une vie. Là-bas quelque part, t'attends l'espoir. Si tu veux bien y croire, ne te cache pas, ne pars pas, ça ira pour toi toujours. Crois-moi, je serai là pour vivre tes pas. Regarde la vie dans mes yeux. Le plus bel endroit t'attend là-bas. Regarde la vie dans mes yeux. Et tu changeras. Changer, toutes choses pour sexe.